de la chance de grandir dans un milieu décent. Je manquais de rien, bien que la daronne touchait pas des mille et des cents. Si d'une famille nombreuse, je menais ma petite vie tranquille, mais je me voyais déjà partir de peur de finir comme Tanguy à l'école. J'évoluais parmi les cancres, certains profs m'ont mis des crampes, du coup je suivais les cours en dilettante. Ça me saoulait grave, c'était trop prise de tête. Comme un con, je me disais que je ferais carrière dans le bus peut-être. Je me rappelle qu'étant plus jeune, j'étais insouciant. C'était l'époque des embrouilles, y'avait pas un jour sans. Ça m'a forgé, moi qui me croyais invincible. Ben j'ai changé, à présent j'ai plein de principes. À cette période, je me suis heurté à trop d'incidents. La mort de mon grand-père m'aura marqué d'un signe blanc. Parfois stupéfait de voir comment les nôtres agissent, mais pas grâce à la nostalgie. Car quand ça fait trop mal, on n'ose pas le dire. Je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Et yo, je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. C'était le bordel dans ma vie, je voulais tout remettre en ordre. Je me sentais perdu, tel un beatmaker sans métronome. J'avais qu'une seule idée en tête, que mon groupe sorte au grand jour. Oublier mes soucis, stopper mon job quand ça me prend le chou. Mon compte était dans le rouge, fallait que je trim plus derrière le micro. J'avais la rage, tel un supporter dans les tribunes. Fallait pas que je trébuche, donc j'ai gardé le cap. Je positivais sans même avoir l'attitude adéquate. Souviens-toi, on était trois, on avait pas de buzz. On faisait partie de ces groupes dont les gens parlent peu. Le blaze a tourné grâce aux bouche à oreille. On n'imaginait pas l'impact que tout ça aurait. Comptez-vous fournir un taf de longue haleine en investissant dans le son, tout le sait que l'on gagnait. Mais entre temps, y'a eu des hauts débats. On a dû retourner au départ, c'était galère, on s'y attendait pas. Je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Et yo, je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Je pensais pas à l'amour car on me disait que ça rend aveugle. Mais j'ai appris avec le temps que tous les couples sérieux en veulent. Moi, quand je t'ai rencontré, tout de suite j'étais accro. Perché sur mon nuage, mes potos je les mettais à gauche. Je t'avais dans la peau, pour moi c'était indéniable. En ta présence, j'ai jamais eu un comportement intenable. J'avais trouvé l'âme sœur, ma vie était comblée de joie. Vu que le destin m'avait donné le choix. Tu m'as toujours soutenu, même en temps de crise. J'étais trop bien près de toi, j'avais la conscience tranquille. C'était le coup de foot, j'y étais prédestiné. Cupidon m'avait à l'œil, donc j'étais pas prêt de l'esquiver. Je pensais pour deux, c'était réciproque dès le départ de notre histoire. Je me doutais qu'on serait si proche. Je me rappellerai toujours que je suis bien près de ceux que j'aime, tout comme toi, ma petite pierre précieuse. Je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Et yo, je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse. Et yo, je me remémore que des bons souvenirs quand j'ai trop de peine. C'est une aubaine, ça m'aide à ventiler mes problèmes. Quand je vise le progrès, en passant par l'essentiel. C'est ma vie dont il est question, donc je pourrais t'en parler sans cesse.